là-bas. Ils sont en bloc, c'est que je suis né, ouais. J'vois tes potes comme mal de vie. C'est les risques de la vie, bébé, ouais. Je ne sais pas comment te dire. Je sais plus trop ce que je fais, ouais. T'as frappé ton tête, tu n'avais rien dans l'auto. Ton poteau, les ouais, veut retourner en moto. T'as frappé ton tête, tu n'avais rien dans l'auto. Ton poteau, les ouais, veut retourner en moto. Même les, ouais, je les prends, le. Le game est léger. Laisse-nous les fuck en deux. J'suis dans la street, ça fait des danses, ça fait des samba. Les ouais on est libre. Je t'aime pas, je ne sais pas jouer. Tu me dis non, non, non mais je suis les ouais. Je fais un plan, je ne sais pas jouer. Tu me dis non, non, non mais je suis les ouais. Je fais un plan, je ne sais pas jouer. Tu me dis non, non, non mais je suis les ouais. Je fais un plan, je ne sais pas jouer. Non, non, mais je suis les ouais. Là, je suis les ouais. Allez, oubliez-moi. Là, je suis les ouais. Allez, oubliez-moi. Là, je suis les ouais. Allez, oubliez-moi. Là, je suis les ouais. Allez, m'en voulez pas. Moi, je vous aimais. Allez, vous voulez quoi? Je suis en zone tous les soirs, cherche à vous éviter. J'ai confiance en moi, je me dis que ce qui m'arrive, c'est peut-être mérité. Merci, mon Dieu. Là, je suis les ouais. Là, je suis les ouais. Là, faut qu'on me laisse, je suis ailleurs. Là, je suis bleuté le sang, faut que j'aille prendre l'air. Là, je suis les ouais, là, je suis les ouais. Là, faut qu'on me laisse, je suis ailleurs. Là, je suis bleuté le sang, faut que j'aille prendre l'air. Phénomène du ghetto d'or et platino, je vais toucher la bavette à chacune des rimes. Potion magique dans le sac, je me sens à l'aise, les ouais, sur le beat. Skelele, les ouais, au moment est en cellule. Mauvais délire, je ne lui mets pas le nom. Dans la boîte, t'as fait le pas de trop. Oui, on est trop, ramenez-nous plus de sauts. Oui, on est trop, ramenez-nous plus de sorts. Oh, ma Maria, je t'aime bien, mais t'es plein de petites manias. Oui, oui, c'est vrai que t'es très mignonne. Et ça, on peut pas nier. Mais quand je suis lé, belle et carton, je semble en bêtenir. Capot de l'eau, tu le loues. Et je suis ma belle, pas de danse quand je me mets bleu. Et ouais, je suis lé, ramène les sauts à la queue, lé. Je ne sais pas jouer.